Chapitre 50. La fin d'une douleur. Le lendemain matin, un rayon de soleil passant par la lucarne arrondie en forme d'œil de bœuf réveilla le vieux Pardeillan. Il aperçut son fils qui, un coude sur le genou, le menton dans la main, paraissait absorbé dans quelque pénible réflexion. Une tristesse extraordinaire s'étendait sur le visage du jeune homme. Il ne soupirait pas et le sourire ironique de ses lèvres avait simplement un pli amer. Le père le regarda longuement, puis brusquement. « Eh, qu'as-tu, chevalier ? Voilà 10 minutes que je te surveille du coin de l'œil et si je n'entends pas les gémissements que tu pousses en toi-même, je les devine. As-tu la corde au cou ? La hache se lève-t-elle sur toi ?»« Je ne gémis pas, mon père, je réfléchis. »« Peut-on savoir à quoi ?» « À ces soldats qui gardent la porte. »« Ah ! Tu as vu ?»« Oui. Or, il faut que j'aille trouver le maréchal de Montmorency et que je l'amène ici, » continua le chevalier avec un désespoir concentré. « Ah ah ! J'y réussirai, mon père, » acheva fiévreusement le jeune homme. « Je suis sûr d'y réussir, y eût-il 1000 gardes dans cette rue. Car j'ai fait à la mère de Loïse une promesse qui sera tenue, j'en suis trop sûr. » « Ah ah, trop sûr ? Oui, mon père, j'amènerai ici le maréchal, et alors ?»« Alors, achève, voyons. » »« Eh bien, mon rôle sera terminé, mon père. Le maréchal, c'est tout naturel, emmènera sa fille. Et c'est tout. Vous voyez qu'il n'y a pas là de quoi être triste, comme vous le disiez. Alors, mon père, il ne me restera plus qu'à assister au mariage de mademoiselle de Montmorency, avec le riche et puissant seigneur que lui destine sans aucun doute le maréchal, et puis nous serons libres. Nous reprendrons nos vieux projets, nous parcourons ensemble le monde, nous ferons le tour de l'univers. » « Tu veux dire le tour de la place de Grève ?»« Que voulez-vous dire ?»« Que notre bout du monde, à nous, si toutefois nous quittons Paris, s'appelle Montfaucon. » « Ah ah !» fit à son tour le chevalier, dont le visage s'éclaira d'une joie funeste. « Par ma foi, vous avez raison, mon père, et je n'y songeais pas. C'est par Dieu vrai. Nous sommes ici prisonniers sur la foi de la mère de Loïse, et nous ne pouvons... »« Oh, il n'y a pas que la foi de la dame de Pienne. Il y a les gardes. » Le chevalier haussa les épaules, non pour ce que venait de dire son père, mais pour répondre à sa propre pensée. Avec quelle ardeur il eût souhaité que ses gardes pussent l'empêcher de passer et qu'il ne pût rejoindre le maréchal. Il ferait tout au monde pour passer. Mais enfin, s'il ne passait pas... Déjà, il entrevoyait une bataille, la dame de Pienne et Loïse emmenées par lui hors de Paris. Et alors ? Mais cette caution, cette parole donnée par la dame de Pienne... Eh bien, tout cela n'existait plus si les gardes commençaient les hostilités, s'ils rompaient eux-mêmes la trêve. Et Pardeillan se faisait fort de les obliger à commencer la bataille. Son regard étincela, ses narines se dilatèrent. « Cela va mieux, » songea le vieux routier. Mais presque aussitôt, le chevalier retomba dans son morne accablement. Il fallait qu'il ne pût arriver à sortir de la maison et il sentait qu'il surmonterait tous les obstacles. « En tout cas, » reprit son père, comme s'il eût suivi sa pensée, « tu as demandé 3 jours pour aller chercher le maréchal. » Le chevalier secoua la tête. « J'ai demandé 3 jours, » dit-il, « parce que je me croyais plus sérieusement blessé que je ne suis. Mais je suis fort. Le pansement que vous allez me faire va achever de cicatriser ces misérables égratignures. » Et avec un nouveau haussement d'épaule, il ajouta, « ces gens ne savent même pas frapper. » Oui, dit tranquillement le vieux Pardeillan, nos coups à nous portent mieux. Et il se mit à panser activement les blessures de son fils, blessures légères d'ailleurs, et qui avaient déjà été pansées la veille. Or ça, dit-il alors, comment vas-tu sortir? Moi qui n'ai rien promis, je t'avoue que je ne vois pas le moyen, du moins en plein jour. Je te conseille d'attendre la nuit. « Le maréchal sera ici aujourd'hui même, » dit le chevalier avec fermeté. Le vieux Pardeillan se mit à siffler un air de chasse et le chevalier commença ses recherches. « J'ai trouvé, » dit-il au bout d'une heure. Le vieux tressaillit et grommela. « Au diable les donzelles ! Voyons, qu'as-tu trouvé ?» Le chevalier lui montra une lucarne qui ouvrait sur la toiture. « Quoi ? Tu veux passer par les toits ?»« Puisqu'il n'y a pas d'autre chemin. Fais-moi la courte échelle, mon père, que je puisse atteindre cette chatière. » Le routier saisit la main de son fils et dit « Un dernier mot, chevalier, tu ne voulus jamais en faire qu'à ta tête. Et pourtant, s'il m'en souvient, tu me juras bel et bien de suivre les avis que je te donnais. L'heure est venue de tenir ta parole. Que t'ai-je toujours dit ? De te méfier de tout le monde et de toi-même. Et surtout, de ne jamais te mêler de ce qui ne te regardait pas. Or, pour n'avoir pas tenu le serment que tu me fis, tu nous as mis tous deux dans un cruel embarras. Tu ne t'es pas défié de ton cœur, chevalier ? Ah, quelle engeance que ces gens de cœur ! Et te voilà amoureux. Tu t'es du coup rogné griffes et ongles. Mais, soit, je passe l'éponge sur le passé, j'admets ta sottise d'être féru pour ta Loisette, et conviens que de plus malin que toi, ce fusse prise à ses cheveux d'or comme à une jolie toile, et à ses yeux clairs comme à une eau perfide. Je passe toute condamnation là-dessus. Tu aimes ? Eh bien, par la mort Dieu, laisse marcher les choses. Tu veux amener ici le maréchal qui te tirera une belle révérence, te dira un grand merci et emmènera sa fille en te souhaitant toutes sortes de bonheur. Mais pourquoi ? De quoi diable te mêles-tu encore là ? Tu es dans une maison cernée. Qui t'oblige à t'aller rompre les os sur les toits ? Chevalier, chevalier, mêle-toi de ton amour puisque tu es assez fou pour aimer. Mais demeure en paix et laisse tranquille ce digne maréchal qui ne t'appelle pas, auprès de qui personne ne t'envoie. Cela ne te regarde pas. Vous vous trompez, mon père, cela me regarde. Ainsi, tu vas encore désobéir à ton père, à ton vieux père. Faites-moi la courte échelle. Tu es décidé, rien ne peut te convaincre que tu fais encore une sottise. Dévouement, chevalerie, protection aux jolis minois dont les yeux pleurent, grand coup d'épée au puissant larron que nous devrions respecter. C'est cela qui te séduit ? C'est cela que tu veux ? Eh bien, je te suis. C'est le renoncement à tous les bons principes d'après lesquels j'ai guidé ma vie. » Il n'y avait aucune ironie dans ce que disait là le vieux routier. Il parlait avec une entière conviction. Le chevalier le serra dans ses bras. Le vieux pardayant plaça ses mains entrelacées de façon que le chevalier pût y poser le pied comme sur une marche. Le jeune homme s'élança, atteignit les épaules et, levant les bras, se cramponna au rebord de la lucarne. Quelques instants plus tard, il était sur le toit de la maison. Le chevalier se trouvait sur le revers de la toiture qui était opposée à la rue. Sa vue s'étendait sur une série de petites cours et de jardins. S'il descendait dans la cour de la maison, il était dans une impasse. Il n'y avait qu'un moyen, c'était de gagner le toit de la maison voisine. Là, il chercherait et découvrirait sans peine quelques lucarnes par laquelle il pénétrerait dans la maison et gagnerait la rue. La position du chevalier était des plus dangereuses. En effet, le toit de la maison, comme tous les toits voisins à pente raide, construit sur un angle très aigu, présentait un chemin à peu près impraticable. Il y avait 9 chances sur 10 de rouler. Cependant, ce ne fut pas là ce qui arrêta le chevalier dans sa tentative. À la vue des difficultés qu'il lui fallait vaincre pour s'éloigner de la maison, il se dit que ces difficultés seraient exactement les mêmes lorsqu'il s'agirait d'y rentrer. Or, s'il pouvait, lui, se risquer sur ces routes aériennes, le maréchal de Montmorency pourrait-il le suivre ? Le chevalier comprit qu'il ne pouvait proposer au maréchal un pareil moyen de se retrouver en présence de Jeanne de Pienne. À coup sûr, François de Montmorency n'eût pas hésité. Mais lui, chevalier, ne pouvait risquer d'autre vie que la sienne propre. Très désappointé par ses réflexions, il allait se retourner vers la lucarne lorsqu'il entendit un léger bruit, un signal d'appel. « Psst ! » faisait-on. Il leva la tête vers le toit de la maison voisine, plus élevé que celui où il se trouvait, et aperçut, encadré dans une étroite fenêtre, une figure d'homme qu'il examinait avec un singulier intérêt. « Où ai-je vu ce visage-là » pensa le chevalier. L'homme était vieux. Il portait la barbe blanche. Il avait des yeux doux, calmes, avec un regard lumineux et profond. « Rentrez chez vous, » dit cet homme. « Que je rentre, monsieur ?»« Oui, vous cherchez à vous sauver, n'est-ce pas ?»« En effet. »« Eh bien, le chemin que vous prenez est impossible. » La maison où vous êtes prisonnier communique avec la mienne par une porte que j'ai condamnée, mais que j'ouvrirai. Rentrez donc, jeune homme, et attendez. » Le chevalier retint une exclamation de joie. Il voulut remercier le généreux vieillard, mais celui-ci avait déjà disparu. « Mais où diable ai-je vu cet homme-là » pensa de nouveau le chevalier, qui, se laissant glisser par la lucarne en se retenant par le bout des doigts, se laissa tomber dans le grenier. « Que se passe-t-il ? » demanda le vieux pardéant. Le chevalier raconta ce qui venait de se passer. Le père et le fils se mirent aussitôt à déblayer le foin qui était entassé au fond du grenier et qui cachait évidemment la porte signalée par l'inconnu, si toutefois cette porte existait, si cet inconnu n'était pas un traître. À leur joie intense, la porte leur apparut enfin et, en même temps, ils entendirent que derrière cette porte, on se livrait à un certain travail. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit et un vieillard de haute taille, vêtu de velours noir, apparut, souleva sa toque, examina un instant les deux pardéants et dit « Monsieur Brizard et vous, monsieur de la Rochette, soyez les bienvenus. » Les deux pardéants se regardèrent stupéfaits. « Quoi ? » reprit le vieillard, « vous ne reconnaissez pas l'homme que vous avez sauvé rue Saint-Antoine, devant la maison de l'apothicaire, en même temps que cette jeune dame ?» Le vieux pardéant se frappa le front. « Les deux noms que je donnais à la dame » murmura-t-il. « Si fait, par Dieu !» ajouta-t-il à haute voix. « Je me souviens parfaitement de vous, monsieur. »« Ramus !» dit le vieillard avec une noble simplicité. « Ramus, c'est bien cela. Seulement, je vais vous dire, monsieur, je ne m'appelle pas Brizard et je n'ai jamais été sergent d'armes, comme je vous le dis. » « Le chevalier que voici ne s'appelle pas Monsieur de la Rochette. » Ramus souriait. « Je vous donnais alors ces deux noms parce que nous avions intérêt à nous cacher. Je m'appelle Honoré de Pardéan et Monsieur que voici est mon fils, le chevalier Jean de Pardéan. » « Messieurs, dit Ramus, j'ai assisté au terrible combat d'hier. Hélas, en quel temps vivons-nous? Et je vais vous expliquer comment je me trouve ici. Mais veuillez d'abord entrer. » Les deux pardéants obéirent et Ramus leur fit descendre un escalier. Ils se trouvèrent alors dans une belle salle à manger d'apparence cossue. « Messieurs, dit Ramus, comme je vous le disais, je m'étais hier posé dans cette rue pour voir le passage du roi. Je vis donc le défilé du cortège et j'assistai ensuite à l'effrayant combat que vous avez livré. Là, j'ai entendu vos noms, mais la politesse m'obligeait à m'en tenir à ceux que vous m'aviez donnés vous-même. Bref, une fois que vous fûtes entré dans la maison voisine, une fois que j'eus vu les gardes s'installer devant la porte, je compris qu'un grand danger vous menaçait et que vous tenteriez peut-être de vous évader. Alors j'ai fait mon petit plan. Vie pour vie. Je vous devais la mienne. J'ai voulu racheter la vôtre. » Le vieux Ramus s'arrêta un instant et sourit malicieusement. « Vous allez voir, continua-t-il, que pour un vieux bonhomme comme moi, mon plan ne manquait pas d'une certaine élégance. Hier, je vins donc trouver le propriétaire de cette maison et je lui dis à brûle-pourpoint. « Monsieur, voulez-vous me louer votre maison pour 8 jours ?»« Bah, me fait mon homme, pourquoi donc ?»« Parce que je vais recevoir la visite de quelques parents qui habitent le Blaisois. » « Ah, me fait l'homme, sans doute des gentilshommes qui sont venus de Blois avec sa majesté. » « Justement. » « Ce sont de jeunes et dignes gentilshommes qu'il faut que je loge dans une maison convenable et on m'a signalé la vôtre comme parfaitement bourgeoise. »« Vous pouvez voir, monsieur, » me dit l'homme flatté. Le vieux Ramus souffla un moment, tandis que les deux pardéants le regardaient avec un étonnement mélangé de gratitude. « Je vois ce qui vous étonne, monsieur, » reprit le savant avec sa belle humeur de bon vieillard. « Vous vous demandez comment j'ai pu mentir ainsi ?» J'en rougissais bien un peu, mais il fallait vous sauver, et un petit mensonge par-ci, une petite flatterie par-là, ne sont pas de bien gros crimes. « Vous êtes un digne homme !» s'écria Pardéan père. Bref, continua le savant, le propriétaire refuse de me louer sa maison pour 8 jours. Je lui propose 100 livres pour 6 jours, il refuse. 200 livres pour 5 jours, il refuse. Enfin, j'obtiens la maison pour 3 jours, je ne vous dirai pas à quel prix. Je m'y installe aussitôt et me voici. Corbac, monsieur, touchez-la, s'écria le vieux routier. Le savant laissa tomber sa main dans celle de Pardaillan et ajouta simplement « Vous n'avez plus qu'à me suivre. Vous sortirez d'ici de la façon la plus naturelle du monde, c'est-à-dire par la porte, laquelle porte n'est point surveillée car elle donne sur la ruelle. » « Monsieur, dit alors le chevalier, pour des motifs que monsieur mon père vous expliquera, nous ne pouvons partir, du moins pas tout de suite. Je serai donc seul, pour l'instant, à profiter de l'issue que vous nous offrez. » Veuillez donc m'accompagner, je vous prie, jusqu'à la porte, je m'éloignerai, tandis que mon père vous donnera les explications nécessaires. Venez, jeune homme. Le savant descendit encore un escalier. Le chevalier se trouva devant une porte qu'il entrebâilla. Il se tourna alors vers Ramus, s'inclina profondément et dit « Mon père, je vous remercie. » Le savant tressaillit. Ce titre de père que lui accordait le jeune homme, le ton avec lequel il avait parlé, les murs, et lui parurent la plus digne récompense de ce qu'il avait fait. Déjà, le chevalier avait légèrement franchi la porte. Il constata alors qu'il se trouvait dans la ruelle aux Fossoyeurs, qui était perpendiculaire à la rue Montmartre. La ruelle n'était nullement surveillée. Au lieu de prendre la rue Montmartre, où il risquait de se heurter aux gardes, le chevalier descendit en courant la ruelle, fit un assez long détour et prit alors le chemin de l'hôtel de Montmorency où il ne tarda pas à arriver. Ainsi donc, les choses s'accomplissaient d'elles-mêmes par l'enchaînement le plus naturel et le plus implacable. Cernay, pris dans la maison de la rue Montmartre, ayant constaté que toute fuite était impossible, voilà que la reconnaissance du vieux Ramus le guidait, pour ainsi dire, par la main jusqu'à la porte de l'hôtel de Montmorency. Il frappa un coup furieux en se disant que son dernier espoir était que le maréchal fût soudainement parti, comme il en avait d'ailleurs l'intention. Alors ? Oh, alors, il revenait rue Montmartre, obligé par quelques ruses les gardes à commencer les hostilités, rompait ainsi la trêve, sauvait Loïse et sa mère par quelques prodiges de folle bravoure, les emmenait et obtenait Loïse en mariage. Le chevalier en était là de ses rapides déductions, lorsque la porte s'ouvrit, et tandis que Pipo, en manière de caresse et pour témoigner sa joie de retrouver son maître, lui mordait les mains en hurlant, le Suisse tout empressé lui disait « Ah, monsieur le chevalier, avec quelle impatience vous attend monseigneur !» Le jeune homme eut un de ces sourires terribles, tels que dut en avoir jadis, au reste, lorsqu'il se débattait en vain sous la main de la fatalité. « Ah ! » fit-il simplement, « Monseigneur m'attend ?»« Oui, oui, venez vite !» Quelques instants plus tard, Pardaillan se trouvait en présence du maréchal, qui fiévreusement lui dit « Vous voici, cher ami, je n'attendais plus que vous, nous allons partir. »« Partir, monseigneur, quitter Paris ?»« Oui, j'ai des raisons de croire que nous continuerions en vain à fouiller Paris. » On m'a signalé une mystérieuse escorte qui, sur la route de Guyenne, accompagne une voiture fermée. Elles sont là, chevalier. La Guyenne, c'est le gouvernement de Danville. Il doit sous peu rejoindre son gouvernement. Il les a fait partir devant lui. Nous rejoindrons cette escorte, nous l'attaquerons. J'emmène 12 de mes plus braves cavaliers. À vous seul, vous en valez 12 autres, et moi-même... Monseigneur, j'oserais vous prier d'attendre jusqu'à ce soir pour quitter Paris, dit le chevalier qui, à ce moment, fut certainement sublime de tranquillité. Pourquoi, Pardaillan, pourquoi? Partons sans perdre une seconde. Allons, à cheval. Monseigneur, j'insiste. Vous hésitez, vous? Je n'hésite pas, je reste. Et vous restez aussi, monseigneur. Vous partirez, mais ce soir seulement. Pour le moment, je vous prie de m'accompagner seul à pied. » L'accent du jeune homme était si singulier que Montmorency s'écria d'une voix frémissante. « Pardaillan, vous savez quelque chose. »« Venez, monseigneur, » dit le chevalier, avec ce même accent où il y avait à dose égale de l'ironie et du désespoir. Le maréchal eut une dernière hésitation, puis il dit « Allons, mais songez que le temps est précieux. Si vous eussiez tardé une heure de plus… » « Eh bien, monseigneur, qu'eussiez-vous fait si je n'étais arrivé que dans une heure ?»« Je partais sans vous. » Le visage du chevalier demeura immobile, mais une imprécation éclata au fond de son cœur. L'instant d'après, ils étaient en route, et bientôt ils arrivaient à la ruelle des Fossoyeurs, sans avoir fait la moindre rencontre qui pût les arrêter. Ils frappèrent. Ramus ouvrit. Ils entrèrent dans la maison et, arrivés dans cette belle salle à manger où Ramus avait introduit les deux pardaillants, le chevalier dit paisiblement « Monsieur Ramus, voulez-vous pousser votre générosité jusqu'à nous laisser seuls pour une heure dans cette salle ?»« Cette maison est à vous, mon enfant, tant qu'elle sera à moi, » dit le vieux savant qui se retira aussitôt dans une pièce du rez-de-chaussée. « Où sommes-nous ? » fit le maréchal étonné. Troublé, inquiet, en proie à cette indéfinissable angoisse qui précède les grands événements, bons ou mauvais. Monseigneur, dit le chevalier sans répondre à cette question, je vous demande de m'attendre ici quelques minutes. Faites, murmura le maréchal. Le chevalier sortit et François de Montmorency demeura seul. Le jeune homme regagna rapidement le grenier où il avait dormi. Il y retrouva le vieux pardaillant qui s'écria aussitôt « Elles t'attendent, elles s'inquiètent de toi !» Le chevalier s'assit, ou plutôt se laissa tomber sur une botte de foin. « Mon père, dit-il, ayez la bonté de prévenir Madame de Pienne et Mademoiselle de Montmorency que le maréchal est là qui les attend. »« Diable !» fit simplement le vieux routier qui, s'approchant de son fils et lui mettant la main sur l'épaule, murmura « Chevalier !» « Mon père, tu souffres, hein ? Raconte-moi un peu cela. »« Vous faites erreur, mon père, » dit le chevalier de cette voix qui était si terrible dans sa tranquillité. « J'ai été chercher le maréchal de Montmorency pour qu'il emmène sa fille. Il est là, il attend, voilà tout. Seulement, rappelez-vous que vous m'avez toujours recommandé de tomber avec élégance le jour où je tomberai. » « Ici, l'élégance, il me semble, consiste à ne pas souffrir. »« Bon, bon !» grogna en lui-même le vieux routier. « Tu veux garder pour toi ta douleur. Garde-la, tout à l'heure nous pleurerons ensemble. »« Mort de tous les diables, qu'allait-il faire chez le maréchal ?» En même temps, il descendit à l'étage où se trouvaient Jeanne de Pienne et Loïse. Quant au chevalier, il chercha un coin obscur du grenier, afin qu'elle ne le visse point lorsqu'elle traverserait pour entrer dans la maison de Ramus. François de Montmorency était demeuré immobile, les yeux tournés vers la porte par où avait disparu le chevalier, se débattant contre cette angoisse dont nous avons parlé, essayant d'adoucir les violents battements de son cœur en le comprimant d'une main. L'homme n'est ni entièrement bon ni entièrement mauvais. Et nous devons dire qu'à cette minute, dans cette belle âme, se glissa une mauvaise pensée. Il eut la sensation qu'il avait été entraîné dans un guet-apens. Et pourtant, il avait dans le chevalier une confiance sans bornes. Mais qui pouvait affirmer, à ces époques sanglantes, que l'ami le plus dévoué en apparence n'était pas un traître, un envoyé de l'ennemi ? Le silence était profond dans la maison et les minutes s'écoulaient. Ce sentiment de malaise s'accrut au point que le maréchal porta la main à sa dague. « Qui sait ? » murmura-t-il. À ce moment, la porte s'ouvrit lentement. Jeanne de Pienne apparut. Elle était toujours habillée de ses vêtements noirs qui rehaussaient la tragique beauté de son visage pâle, illuminé par ses deux grands yeux profonds. Elle vit François et s'arrêta comme pétrifiée, les mains jointes, le regard fixe. Pourtant, le vieux pardaillant l'avait prévenu, et il semblait qu'il y eût surtout dans ce regard un étonnement infini, cette sorte d'étonnement qu'on a au moment de mourir. Si nous pouvons parler ainsi, elle s'évanouit dans sa pensée, tandis qu'elle demeurait debout, pareille à une statue du deuil. Avait-elle conscience de ce qui se passait ? Ce n'est pas certain. François, en la voyant, fut secoué comme par une furieuse décharge électrique. Il voulut prononcer le nom de Jeanne, et ses lèvres n'émirent qu'un son rauque, inintelligible. Ses yeux s'exorbitèrent comme devant la funeste apparition d'un fantôme. Une buée humide les voila d'un brouillard. Puis, dans le même instant, les larmes commencèrent à couler, une à une, lentes et régulières, de ses yeux, tandis que le visage gardait une immobilité de pierre. Et ce fut ainsi qu'il la regarda, avec une avidité qui tenait du rêve, où il y avait de l'effroi, de la douleur, de l'amour, de la pitié, oh, surtout de la pitié. Il marcha vers elle. Comme elle, il avait joint ses mains. Il marcha à petits pas alourdis, appesanti par le poids des pensées qui l'écrasaient. Il marcha sans un mot, sans un gémissement, sans un sanglot, tandis que, sur son visage immobile, d'une pâleur de cire, les larmes tombaient une à une, lentes, régulières. Quand il fut près d'elle, il se mit à genoux, son front se courba jusqu'au pied de la statue du deuil, et alors les sanglots firent explosion dans sa gorge et sur ses lèvres, les gémissements emplirent la salle de leur musique effroyable et divine, et un mot, un seul, un mot qui tremblait, qui criait, qui se lamentait, et qui prenait toutes les formes de l'effroi, de la pitié, éclaté parmi ses gémissements surhumains. « Pardon ! Pardon ! Pardon !» Combien de temps François demeura-t-il ainsi prosterné ? Combien de temps l'effroyable parole qui se tordait sur ses lèvres roula-t-elle enfin parmi les cris étouffés, les sanglots et les gémissements ? Peu à peu, François se redressait. Ses mains saisissaient les mains glacées de Jeanne. Puis, de ce même mouvement insensible, comme s'il se fût haussé vers le ciel, il se mettait debout, l'enlaçait de ses bras, son visage était près du visage de Jeanne. Maintenant, il voulait parler. Tout ce qu'il avait dans le cœur voulait s'échapper. Il essayait d'agencer ses pensées, de combiner les mots pour dire ce qu'il avait souffert et combien il s'était maudit de son crime, c'est-à-dire de son injuste soupçon. Et, comme il allait parler, Jeanne, d'un mouvement très doux, mit ses deux bras autour de son cou et, avec un sourire de pure extase, laissa tomber sa tête sur l'épaule de François. Ah ! Pourquoi François, à cet instant, fut-il saisi d'une terreur étrange ? Ce mouvement des bras de Jeanne, il le reconnaissait. Cet enlacement de son cou, il le reconnaissait. Ce sourire, cette attitude de la tête chérie qui se penche sur son épaule, il les reconnaissait. C'était comme à Margency, là-bas, près de la maison de la nourrice, dans la terrible nuit du mariage et du départ. Même mouvement, même geste, même attitude, même sourire. « Jeanne ! Jeanne !» bégaya François dans un délire d'angoisse. Et ses cheveux se hérissèrent, l'angoisse devint de l'horreur, lorsqu'il reconnut la voix, l'accent, l'intonation que Jeanne avait eue dans la nuit de Margency, cette voix troublée, oppressée, hésitante, expression souveraine d'une joie infinie et d'une crainte timide. Et Jeanne murmurait « Oh, mon bien-aimé, tu vas le savoir enfin, le cher secret que je n'ose t'avouer depuis 3 mois. Il faut que tu le saches enfin !» Et puis, nous irons ensemble le dire à mon père. « Jeanne, Jeanne !» cria le maréchal Pantelant. « Écoute-moi, mon François, écoute-moi bien. Cette minute est solennelle. Mon bien-aimé, je suis ta femme et notre union est bénie. « Jeanne, Jeanne !» hurla le maréchal. « Écoute, voici le cher secret, si doux et si redoutable. « François, tu vas être père !» Et elle leva vers lui ses yeux purs, ses yeux candides de jeune fille, ses yeux où toutes les pensées humaines s'étaient évanouies et où ne resplendissait qu'un seul sentiment, pareil à une étoile d'or qui brille au zénith, dans la nuit de tout, le sentiment qu'elle traduisit dans un adorable sourire par ce mot « François, je vais être mère !» Une clameur de désespoir, une imprécation terrible, un mot s'exhalèrent ensemble des lèvres du maréchal. « Folle ! Elle est folle !» Et il tomba à la renverse, foudroyé, sans connaissance. le maréchal de Montmorency venait de retrouver celle qu'il avait tant aimée. Qu'allait-il advenir de la réunion de ces deux êtres qui se chérissaient, du jeune amour du chevalier de Pardaillan, des grands intérêts et de la lutte engagée entre huguenots et catholiques? C'est ce que nos lecteurs connaîtront prochainement.